Après s'être débarrassé de l'enveloppe extérieure, Samuel et Dick, ne gardant que le nécessaire, repartent avec le ballon intérieur. De son côté, Joe, après avoir échappé aux crocodiles et aux nègres, s'enlisa de nuit sur le bord d'un marais. Poursuivant leurs recherches, Samuel et Dick trouvent Joe alors qu'il est poursuivi par des cavaliers arabes. « Tiens-toi à l'arrière de la nacelle, Dick, et sois prêt à jeter cela d'un coup. »« Joe, garde à toi !» cria le docteur de sa voix retentissante en jetant l'échelle. À l'appel du docteur, Joe, sans arrêter son cheval, s'était retourné. L'échelle arriva près de lui et au moment où il s'y accrochait, « Jette !» cria le docteur à Kennedy. « C'est fait !» Et le Victoria, délaissé d'un poids supérieur à celui de Joe, s'éleva à 150 pieds dans les airs. Le Victoria s'éloigna rapidement. « Mon maître, monsieur Dick !» avait dit Joe. Et succombant à l'émotion, à la fatigue, il s'était évanoui. Mais il revint bientôt de son évanouissement et raconta comment, au moment où il s'enlisait, il put attraper la corde d'une ancre abandonnée par le Victoria. Au bout de 3 heures de marche, il tomba au milieu d'un campement de cavaliers arabes. Mais je vous avais vu, et vous savez le reste. Pendant cette histoire, le ballon avait rapidement franchi une longue étendue de pays. Le docteur consulta sa carte et reconnut la bourgade de Taglel, dans le Damergou. « Nous retrouvons ici, dit-il, la route de Barthes. » À 10 heures du soir, le Victoria se trouvait sous la latitude d'Agadez.